Le grain de sable par Jacques Cézanne. Ce n'étaient plus les éblouissantes victoires de la campagne d'Italie, où avec une poignée d'hommes sans vivres, sans soldes et sans habits, un général de 27 ans taillit en pièces toutes les armées autrichiennes qui étaient lancées contre lui. Ce n'étaient plus non plus les journées prodigieuses d'Austerlitz et d'Iéna, où d'un coup de fortune suprême, l'empereur brisait les coalitions. À présent, les soldats de France avaient l'impression que les peuples se levaient contre eux, ces peuples auxquels ils avaient apporté, naguère, l'enivrant breuvage de la liberté. Les combats étaient longs, indécis, cruels, sans cesse renaissants. Cette terre d'Allemagne était arrosée du sang de bien des braves, et plus d'un, même parmi les plus hauts dignitaires, se sentait là de la gloire. Duroc et Bessières avaient disparu, après Montbrun et Caulaincourt, après La Salle, Lannes et Saint-Hilaire, après tant d'autres. Et le vieil Augereau disait avec mélancolie « Nous y passerons tous ». Cependant l'empereur était toujours là, et ce qui restait de ses premiers fidèles, ceux qui avaient vu Castiglione, les pyramides, Marengo et Bagram, expliquait aux conscrits qu'avec lui on ne pouvait être battu, qu'il fallait lutter encore, et qu'après ce sera le retour au foyer, la vie aimable et douce, la paix. Et puis, le vieux sentiment de l'honneur, ancré au cœur de tous les Français, faisait que ces hommes se raidissaient contre leurs fatigues et leurs souffrances, contre leurs angoisses aussi. D'ailleurs, la fin de la guerre n'était plus éloignée maintenant. Ne venait-on pas de gagner la bataille de Dresde? Et si la défaite de l'ennemi avait été chèrement achetée, n'allait-elle pas se changer en une déroute définitive? L'empereur venait en effet d'improviser un de ses mouvements stratégiques qui lui était familier, et par où s'affirmait son génie. En se dirigeant rapidement vers les défilés de Bohême, il allait couper le centre des armées autrichiennes et briser leur ligne de retraite. Il avait donc lancé en avant le corps du général Vandamme, que le gros de l'armée, sous ses propres ordres, suivait maintenant à 24 heures de marche. On avait quitté Dresde le matin. Le soleil d'août flambait et la chaleur était torride. Les troupes avançaient péniblement, noyés dans des nuages de poussière qui aveuglaient hommes et bêtes et leur desséchaient le gosier. Les grenadiers, avec leurs hautes guêtres blanches et leurs bonnets à poils, les voltigeurs verts, les hussards bleus et les artilleurs aux sombres habits rehaussés de rouge, ne distinguaient plus la couleur de leurs uniformes et semblaient des automates taillés dans de la craie. Tout à coup, on vit apparaître un officier de la garde qui rebroussait chemin. Il galopait à toute allure dans les champs que bordait la route. On ralentit, puis on marqua le pas, puis on recula. Des commandements brefs retentirent et la troupe dut se jeter, presque, dans les fossés. C'étaient les fourgons de l'empereur qui eux aussi rétrogradaient. Que se passait-il donc? Tous ces hommes frémirent. Un accident était-il arrivé à celui qu'ils n'appelaient entre eux que le petit caporal? Cela semblait impossible. Il avait eu d'aventure son cheval tué sous lui, son chapeau troué de balles, sa redingote déchiquetée par la mitraille. Cependant, il demeurait invulnérable. Il ne pouvait mourir, n'est-ce pas? Car alors, que serait devenue toute cette armée, dont il était à la fois le cœur et le cerveau? Mais Corvisart passa dans sa calèche, on l'acclama. Depuis plus de 10 ans, c'était lui qui soignait Napoléon. Bientôt se répandit une affreuse nouvelle. L'empereur était empoisonné. Il se trouvait là, dans une pauvre auberge de village, se roulant à terre en proie d'atroces souffrances, et chacun de se demander « Corvisart arrivera-t-il à temps ?» Le praticien sut de suite à quoi s'en tenir. Si l'estomac de l'illustre patient était en pleine révolte, c'est que la veille au soir, il avait dû subir l'une de ces cuisines de hasard auxquelles les souverains mêmes ne peuvent pas toujours échapper. L'empereur avait donc goûté d'une sauce où se trouvait de l'oignon, ingrédient pour lequel son organisme ne laissait pas que d'éprouver une véhémente aversion. Et c'était un oignon égaré qui avait causé tout ce drame. Mais bientôt la crise se calma, et la vie reprit chez cet homme que l'instant d'avant elle semblait devoir abandonner. Cependant il fallut revenir à Dresde, et ce retour eut d'incalculables conséquences. La manœuvre de génie dont on espérait la fin de la guerre ne put s'exécuter. Bien pire, le général Vandamme, qui s'avançait toujours, se trouva tout à coup sans soutien, et ce fut lui qui fut pris. Les Autrichiens s'étant ralliés, la campagne recommença bientôt, plus âpre et plus sanglante que jamais. Elle ne devait finir que sous les murs de Paris. Une fois encore, une cause minuscule engendrait un immense effet, et comme réplique au grain de sable perfide qui faisait mourir Cromwell en plein triomphe, on trouvait, dans l'histoire du monde, l'oignon tout-puissant qui, au lendemain d'une victoire, avait terrassé l'empereur. C'était Le grain de sable, par Jacques Cézanne.